Ego trip. Ego trip. Cadeau. Que de la punchline. Rayerty, j'attaque en restant défensif. Suis dans mon milieu, laisse-moi dire qu'il est offensif. On va pas dire qu'on a tout gâché, mais au fond si je me noie pas dans la bouteille, j'ai déjà bu, elle a le fond vide. Je roule, j'ai frite pendant que certains poussent de la fonte très vite. À ce qui paraît, c'est qu'une question d'envie, mais moi perso, je préfère traîner dans les rues de ma ville. Et je la connais par cœur comme si je l'ai construit, frère. Même si je deviens aveugle, j'y garderai mes repères. Mais je le ferai pas, si ce serait à refaire, c'est plus si calme. Si je vais voir un psy, il irait voir un psychiatre. Je dis je t'aime aux gens, je fais pas d'écart. Toi dis pas je t'aime à ta meuf, car pendant que tu lui dis peut-être qu'elle l'écarte. Ça raconte ses blèmes à la fumette, ça reste même des P4. Je veux pas être un caïd, juste un mec respectable. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir, JP, joue le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes pas, c'est réciproque. Nous nos vies c'est des cauchemars comme qu'on paraît devant si proc. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir, JP, joue le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes pas, c'est réciproque. Nous nos vies c'est un cauchemar comme qu'on paraît devant si proc. Encore un ego trip parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Blaise, je rappe avec les tripes, j'kick, c'est un tic, j'pique. Tout sort, mes atouts maintenant. Clic d'or, c'est un crew armé de punchline. Aiguisé, flow et poil, hérissé, prêt pour passer à l'attaque, on va te faire glisser. Pressé, t'as même pas remarqué que l'auto était démarqué. Donc je lui fais la passe, si t'es encore en vie, c'est de la chance, un peu comme la passe. J'passe partout, fort boyard, j'suis fort brillant, mais ne m'appelle pas Jimmy. Moi, j'suis de la rue comme Jean-Luc, mais j'me tue pas à lasser. Lassé de ce RAP, j'suis venu mettre le coup final. J'rêve de la coupe finale et ma coupe, ha. Là, j'suis mal, lady, j'te fais mal normal. J'suis un mal bien acquis, mais j'profite à qui? J'manie la rime comme Zizou, manie la balle, mon flow de la balle. Fais gaffe quand l'écoutant il te perce pas les tympans. J'ai la rime high tech, pourtant j'suis pas une nouveauté. Chaque jour j'écris de nouveaux textes, qui peut tester? Nen ou sat, mais des coups bas et des coups de bastos. Demande au gars chez moi, j'ai la frappe à Michel. J'ai la notoriété du QNC. Toi aussi tu kiffes le rap comme moi, ferme ta gueule et apprécie. Apprécie. Ouais, ferme ta gueule et apprécie. Rayerty et Nen ou ça. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir, JP, joue le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes pas, c'est réciproque. Nous nos vies c'est des cauchemars comme qu'on paraît devant si proc. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir, JP, joue le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes pas, c'est réciproque. Nous nos vies c'est un cauchemar comme qu'on paraît devant si proc. Ici on est mal, putain, j'en ai marre. J'pourrais pas être fait sans le salaire de Neymar. Putain de vie amère. Certains cherchent le bonheur, moi le bon plan et d'autres l'amour. L'illégal pesait les comptes et les pour. Et pour pas être con, c'est que t'es con ou que t'es lourd. Quand ça parle de gros chiffres, de mailler, de grossir dans ton entourage, constate beaucoup de tes photos maigrissent et j'crise. Cette crise m'a crispé. Y'a pas que le crime, mais aussi tout ce que tu fais qui se paie. Un pilon de frappe, il faut que je fasse le vide. J'ai tellement fait de mal, il faudrait que je fasse un devis. L'ange qui me prendra ma vie, je pourrais pas lui rentrer de vis. S'en sortir, ce serait splendide, comme toucher le 10 de platine. Mon frère, tu veux savoir qu'on suis content? Quand j'ai une liasson, de préférence, un contrôle. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir, JP, joue le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes. même pas c'est réciproque. Nous nos vies c'est des cauchemars comme comparer devant Ciproc. C'est trop la mentalité de polar. Mon avenir dit bijou le million de dollars. Pas grave, tu nous aimes pas c'est réciproque. Nous nos vies c'est un cauchemar.